Première partie, chapitre 11. Départ de Ceylan. Madras et Calcutta. Vie des Européens. Les Hindous. Curiosité de la ville. Visite à un nabab. Fête religieuse des Hindous. Maison mortuaire. Emplacement où l'on brûle les cadavres. Noces mahométanes et européennes. Le 27 octobre, à midi, je me rendis à bord du vapeur Benting, de la force de 500 chevaux. On ne leva les ancres que vers le soir. Il y avait, parmi les passagers, un prince indien nommé Sadatan, qui avait été fait prisonnier par les Anglais pour avoir rompu la paix conclue avec eux. Il était traité conformément à son rang. On lui avait laissé ses deux suivants, son secrétaire, Munchi, ainsi que 6 de ses serviteurs. Tous étaient vêtus à l'oriental, mais au lieu de turbans, ils portaient des bonnets hauts et ronds en carton roide, recouverts d'une étoffe d'or et d'argent. Ils avaient d'abondantes boucles de cheveux noirs et de la barbe. Les suivants du prince mangeaient avec les domestiques. On étalait un tapis sur le pont et on y mettait 2 grands plats. Sur l'un, il y avait des poulets cuits. Sur l'autre, du pilau. Ils mangeaient avec les mains. 28 octobre, nous eûmes toujours en vue une belle ligne foncée de la chaîne de montagnes de Ceylan. Et par moments, nous aperçûmes quelques rochers gigantesques qui sortaient du sein de la mer. Le 29 octobre, nous ne vîmes pas la terre. Quelques baleines trahirent leur présence en faisant jaillir autour d'elles une pluie de rosée. Le bruit de notre vapeur fit aussi lever de fortes bandes de poissons volants. Le 30 octobre au matin, nous fûmes surpris par la vue du continent de l'Inde. Bientôt nous approchâmes tellement de la côte que nous pûmes distinguer les bords qui n'étaient pas des plus ravissants. Ils étaient plats et couvert en partie de sable jaune. De basses chaînes de collines se montraient au fond. À 1 heure de l'après-midi, nous jetâmes l'ancre à une distance de 5000 marins de la ville de Madras, dont l'ancrage est extrêmement dangereux. La mer y est si violente qu'à aucune époque de l'année on ne peut en approcher avec un grand navire. Il se passe souvent des semaines avant que les barques même puissent y aborder. Aussi, les navires ne s'arrêtent que peu de temps à Madras et on n'en voit guère plus de 5 ou 6 à l'ancre. De grands bateaux, armés de 10 ou 12 rameurs, viennent en toute hâte prendre les passagers, les lettres et les marchandises. Le bateau à vapeur s'arrête à Madras 8 heures, pendant lesquelles on peut visiter la ville. Cependant, comme les vents changent souvent à l'improviste, on court quelquefois risque de ne pas pouvoir retourner au bateau. Me fiant à la bonne étoile qui m'avait toujours favorisé dans mes voyages, je me joignis aux passagers qui débarquèrent. Mais, à peine à moitié route, ma curiosité se trouva punie. Il survint une pluie épouvantable et nous fûmes trempés jusqu'aux os avant d'avoir pu mettre pied à terre. Nous nous réfugiâmes dans le premier café que nous rencontrâmes sur le rivage. La pluie devint tropicale et il nous fut impossible de quitter notre retraite. À peine l'averse eut-elle cessé qu'il fallait retourner au bateau, car on ne savait pas, nous disait-on, ce qui pouvait encore arriver. Un confiseur de Madras, en habile spéculateur, était venu avec le premier bateau à bord de notre vapeur, et il vendit avec de grands bénéfices toutes les glaces et pâtisseries qu'il avait apportées. Enfin, le ciel irrité eut pitié de nous. Il s'éclaircit par un beau soleil couchant et nous vîmes le long du rivage les habitations des Européens qui ressemblaient à de véritables palais. D'un style moitié grec, moitié italien, elles sont ou dans la ville ou près du golfe, au milieu de superbes jardins. Au moment où nous allions lever l'ancre, plusieurs indigènes, montés sur de petits canots, vinrent nous offrir des fruits, des poissons et autres petites choses. Leurs esquives se composaient de 4 petits troncs d'arbres attachés entre eux avec de légers cordons faits de fibres de coco. Un long morceau de bois leur servait de rame. Les vagues passaient avec tant de force par-dessus ces frêles embarcations qu'on croyait à tout instant voir s'engloutir le bateau et ceux qui le montaient. Ces bonnes gens se montraient presque dans l'état de nature. La tête seule était l'objet de tous leurs soins. Ils la couvraient de toute espèce de chiffon, de turban, de petits bonnets de drap ou de paille, ou bien de chapeaux très hauts et pointus. Les plus aisés parmi eux, tels que les bateliers qui amenaient les passagers et apportaient les lettres, étaient quelquefois mis avec assez de goût. Ils portaient de jolies jaquettes blanches et avaient autour du corps de grands mouchoirs blancs bordés, comme les jaquettes, de liserés bleus. Ils avaient la tête couverte de coiffes blanches bien serrées, dont un bout descendait jusqu'à l'épaule. Cette coiffe était aussi garnie de liserés bleus. La couleur des indigènes est bronze foncé ou brun de café. Assez tard dans la soirée, il vint encore à bord une femme indigène avec 2 enfants. Elle avait payé une place de seconde classe et on lui assigna une sombre petite cabine non loin des premières. Par malheur, le plus jeune de ses enfants toussait très fort, ce qui troubla le sommeil d'une riche Anglaise qui avait également un petit garçon avec elle. La tendresse exagérée que cette dame portait à son fils lui fit sans doute croire que cette toux pouvait être contagieuse. Aussi, le lendemain, n'eut-elle rien de plus pressé que de prier le commandant de reléguer sur le pont la pauvre mère avec ses enfants. Cet homme généreux et compatissant n'hésita pas un instant à lui donner cette satisfaction. Ni la dame, ni le capitaine ne s'inquiétèrent de savoir si cette malheureuse avait une chaude couverture pour garantir son enfant malade contre la pluie qui tombait souvent avec beaucoup d'intensité. Si l'enfant de l'Anglaise était tombé malade et qu'elle eût été jetée elle-même dehors au milieu de la nuit et des brouillards, elle eût pu se rendre compte de la douceur de ce traitement. C'est presque à rougir de faire partie d'une classe d'hommes qui est surpassée en humanité et en bonté naturelle par ces malheureux qu'on appelle sauvages et païens. Jamais un sauvage n'aurait chassé une mère avec un enfant malade. Il aurait, au contraire, pris soin de tous les deux. Il n'y a que les Européens, élevés dans la religion chrétienne, qui s'arrogent le droit de disposer des hommes de couleur selon leurs caprices et leurs bons plaisirs. Le 1er et le 2 novembre, nous vîmes de temps en temps la terre ferme ou de petits îlots plats et sablonneux, sans le moindre caractère. 10 ou 12 vaisseaux, parmi lesquels se trouvaient les plus grands voiliers des Indes, naviguaient en droite ligne vers l'opulente Calcutta. Le 3 novembre au matin, la mer avait déjà perdu sa belle couleur et pris celle des eaux jaunes et sales du Gange. Vers le soir, nous approchâmes des embouchures de ce fleuve gigantesque. Quelques milles avant d'y entrer, l'eau a déjà un goût douceâtre. Je remplis un verre des flots sacrés du Gange et je le vidai à la santé de tout ce que j'aimais et que j'avais laissé dans ma patrie. À 5 heures du soir, nous jetâmes l'ancre à Kadcheri, à l'entrée du Gange. Il était trop tard pour aller jusqu'à Calcutta, encore éloigné de 60 000 marins. À l'endroit où nous nous trouvions, le fleuve avait plusieurs milles de largeur, de sorte qu'on ne voyait que d'un seul côté la bordure sombre du rivage. Le 4 novembre au matin, nous entrâmes dans l'Ugli, une des 7 bouches du Gange. Des plaines immenses s'étendaient à perte de vue sur les 2 rives du fleuve. Des champs de riz alternaient avec des plantations de sucre. Partout, on voyait des palmiers, des bambous et des massifs d'arbres. Jusque sur les bords du fleuve, la végétation était d'une grande richesse. Il manquait seulement des hommes et des villages. Ce n'est qu'à une distance de 25 000 de Calcutta que nous aperçûmes de loin en loin quelques misérables villages et que nous vîmes remuer des hommes à moitié nus. Les cabanes étaient faites avec de la terre glaise, des bambous ou des branches de palmier et couvertes de tuiles, de paille de riz ou de feuilles de palmier. Les grands bateaux des indigènes me parurent assez curieux et tout à fait différents de ceux que j'avais vus à Madras. La proue, presque plate au bout, ne s'élevait guère au-dessus de l'eau que de 12 à 15 cm, tandis que la poupe avait plus de 2 mètres de haut. À 15 milles de Calcutta se présenta le premier édifice ayant l'apparence d'un palais. C'était une filature de coton à laquelle était attenante une riante habitation. Dès lors, nous découvrîmes des deux côtés de l'Ugly beaucoup de palais, tous construits en style gréco-italien et ornés de colonnes, de portiques et de terrasses. Mais malheureusement, nous voguions trop vite et nous ne pûmes que saisir rapidement l'ensemble du tableau. Beaucoup de grands vaisseaux passèrent devant nous ou naviguèrent à nos côtés. Des vapeurs montaient et descendaient en remorquant des navires. Le mouvement devenait toujours plus sensible, tout prenait de plus en plus un cachet étranger et l'on devinait sans peine que l'on approchait d'une riche capitale de l'Asie. Nous jetâmes l'ancre près de Garden Reach, à 4 milles de Calcutta. Rien ne me fut plus difficile que de trouver à me caser dans ce port parce qu'il ne m'était pas toujours possible de faire comprendre par signe aux indigènes où ils devaient me conduire. Un des mécaniciens de notre vaisseau eut la complaisance de me transporter au rivage, d'y louer pour moi un palanquin et de désigner au porteur l'endroit où ils auraient à me déposer. Un sentiment très désagréable s'empara de moi quand je me trouvais pour la première fois en palanquin, car il me semblait par trop déshonorant pour les hommes de les employer comme des animaux. Les palanquins ont près de 2 mètres de long et 1 mètre de haut et sont munis de portes à coulisses et de jalousies, de matelas et de coussins, de sorte qu'on y est couché comme dans un lit. 4 porteurs suffisent pour la ville, 8 pour les excursions plus longues. Ils se relaient sans cesse et courent si vite qu'ils font 4 000 en une heure et même en 3/4 d'heure. Comme tous ces palanquins sont peints extérieurement en noir, il me semblait voir porter des mourants à l'hôpital ou des morts au cimetière. Ce qui me frappa surtout sur la route de la ville, ce fut le long de l'Ugly les superbes colonnades, Ghauts, avec de larges escaliers descendant jusqu'au fleuve. Près de ces Ghauts, il y a beaucoup de barques dont on se sert pour passer le fleuve ou pour faire des parties de plaisir. Les plus beaux palais de la ville sont situés dans de grands jardins, et bientôt mes porteurs se dirigèrent aussi vers un joli jardin et me déposèrent sous un beau portail. C'est là que demeurait la famille Helgers, pour laquelle j'avais des lettres de recommandation. L'aimable jeune dame me salua comme une demi-compatriote. Elle était du nord, moi du sud de l'Allemagne, et m'accueillit de la manière la plus cordiale. Avec une véritable munificence indienne, on me donna pour logement un salon de réception, une chambre à coucher, une salle de bain et un cabinet de toilette. Mon arrivée à Calcutta coïncida avec une des époques les plus funestes pour cette ville. 3 années de stérilité venaient de désoler presque toute l'Europe et avaient amené une crise commerciale qui menaçait de ruiner Calcutta. Tous les vaisseaux apportaient d'Europe des nouvelles de grandes faillites qui entraînaient la chute des plus riches maisons de la ville. Aucun négociant n'osait plus dire « je possède quelque chose ». Le premier paquebot pouvait le réduire à la mendicité. La plus vive inquiétude s'était emparée de toutes les familles. Les pertes faites en Angleterre et à Calcutta montaient déjà à 30 millions de livres sterling et le désastre était encore loin de toucher à son terme. Ces catastrophes frappent bien plus les hommes habitués, comme on l'est dans ce pays, à une aisance extraordinaire et au luxe le plus effréné. Chez nous, on ne se fait pas d'idée du train de maison d'un Européen aux Indes. Chaque famille habite à elle seule un palais dont la location se paye par mois 200 roupies et même davantage. Note: une roupie vaut 58 kreutzers de monnaie de convention, environ 2 francs 38 centimes. Fin de note. Elle occupe en outre de 20 à 30 domestiques, savoir 2 cuisiniers, un marmiton, 2 porteurs d'eau, 4 domestiques pour la table, 4 hommes de peine chargés de nettoyer les appartements, un lampiste et une demi-douzaine de seis, garçons d'écurie. On entretient au moins 6 chevaux, il faut un homme pour chaque cheval, 2 cochers, 2 jardiniers, une bonne et un domestique pour chaque enfant, une femme de chambre pour la dame de la maison, une fille pour servir les bonnes, 2 tailleurs pour le service de la maison, 2 hommes pour tirer les poncas et un concierge. Les gages s'élèvent de 4 à 11 roupies par mois. On ne nourrit pas les domestiques, dont un petit nombre seulement couche à la maison. La nourriture et le logement sont compris dans les gages. La plupart des domestiques sont mariés et vont chez eux prendre leur repas et coucher. En fait de vêtements, on leur donne tout au plus les turbans et les ceintures. Ils sont tenus de se fournir eux-mêmes le reste et de se blanchir. Malgré les nombreux domestiques, le linge des maîtres n'est point lavé à la maison. On paye, pour 100 pièces à blanchir, 3 roupies. Il est extraordinaire de voir combien on change de linge. Tout se porte blanc et on change d'ordinaire 2 fois par jour l'habillement. La nourriture n'est pas chère, mais ce qui coûte beaucoup, ce sont les chevaux, les voitures, les meubles et les habits. Les 3 derniers articles viennent d'Europe. Les chevaux sont amenés d'Europe, de la Nouvelle-Hollande ou de Java. J'ai visité des maisons européennes où l'on avait de 60 à 70 domestiques et où l'on entretenait de 15 à 20 chevaux. À mon avis, les Européens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes des dépenses exorbitantes qu'entraîne ce luxe de domestiques. Ayant vu les rajas et les riches du pays entourés d'une multitude de fainéants, ils n'ont voulu le céder en rien aux Asiatiques. Peu à peu, le luxe est devenu une habitude. Et aujourd'hui, il serait difficile de changer les abus introduits. On me disait en outre qu'il ne pourrait pas en être autrement tant que les hindous seront divisés en castes. L'indien qui fait les chambres ne servirait à aucun prix à table. La bonne d'enfant regarde comme bien au-dessous d'elle de nettoyer elle-même la baignoire du petit. Il peut y avoir beaucoup de vrai dans tout cela, mais chaque famille n'est pas en état d'entretenir 20-30 domestiques et plus. Déjà en Chine et à Singapour, j'avais été frappée de la quantité des serviteurs dont le nombre est ici au moins double ou triple. Les hindous sont commencés divisés en 4 castes: Brahman, Khatris, Bhis ou Banyan ou Sudras. Ils proviennent tous du dieu Brahma. La première caste est sortie de sa bouche, la deuxième de ses épaules, la troisième de son corps et de ses cuisses, la quatrième de ses pieds. C'est dans la première caste que l'on choisit les hauts fonctionnaires, les prêtres et les instituteurs du peuple. Eux seuls ont le droit de lire les livres sacrés et ils jouissent de la plus haute considération. Quand ils commettent un crime, ils sont moins sévèrement punis que ceux des autres castes. La seconde caste fournit les fonctionnaires inférieurs et les guerriers. La troisième, les commerçants, les artisans et les paysans. Enfin, la quatrième, les serviteurs des 3 premières castes. Cependant, les hindous de toutes les castes servent quand la pauvreté leur en fait une nécessité. Seulement, il y a dans leur service des lignes de démarcation rigoureuses, car les castes supérieures ne peuvent se livrer qu'aux fonctions les plus nobles. il est impossible de passer d'une caste dans une autre ou de contracter mariage dans une caste autre que la sienne. Quand un hindou s'éloigne de sa patrie ou accepte la moindre nourriture d'un paria, il est rejeté de sa caste comme indigne, jusqu'à ce qu'il se soit réhabilité à grands frais. Indépendamment des quatre castes, il y a encore une classe composée des parias. Ce sont les plus malheureux des hommes, car ils sont tellement méprisés et abhorrés de toutes les castes que personne n'entretient avec eux le moindre commerce. Quand un hindou touche involontairement en passant un paria, il se croit souillé et doit aussitôt se baigner pour se purifier. Il est défendu aux parias de visiter les temples et tout le monde fuit leur contact. Pauvre au-delà de toute expression, il demeure dans les plus misérables huttes, se nourrissent de toute espèce d'immondices et même de bêtes mortes. Ils vont presque nus ou tout au plus couverts de quelques haillons. Ils sont condamnés aux travaux les plus durs et les plus rebutants. Les quatre castes se subdivisent en une quantité de sectes, dont 70 peuvent manger de la viande, mais dont 18 doivent s'en abstenir. La religion défend expressément aux hindous de verser le sang et de manger de la viande. Mais ces 70 sectes sont exceptées de cette loi et dans quelques fêtes religieuses, on sacrifie aussi des animaux. Mais il est absolument défendu d'immoler une vache. La principale nourriture des hindous consiste en riz, fruits, poissons et légumes. Ils sont extrêmement sobres, ne font que deux repas très simples par jour, l'un le matin, l'autre le soir. Leur boisson ordinaire est de l'eau ou du lait. Quelquefois, ils prennent du vin de coco. Les hindous sont d'une taille moyenne, élancée et d'une complexion délicate. Leur physionomie est agréable et porte le cachet de la bonté. Ils ont la figure ovale, le nez éminent et fin. Leurs lèvres ne sont pas grosses. Leurs yeux sont beaux et doux. Leurs cheveux lisses et noirs. Leur teint varie selon les pays, du brun foncé au brun clair. Dans les hautes classes, on trouve même des individus presque blancs, surtout parmi les femmes. Il y a dans l'Inde beaucoup de mahométans qui, étant très habiles et très actifs, ont entre les mains une grande partie du commerce et presque tous les métiers. Ils aiment aussi beaucoup à entrer au service des Européens. Les hommes se livrent également aux travaux que nous sommes habitués à voir exécutés par les femmes. Ils font de la broderie en laine blanche, en soie de couleur et en or, et des coiffures de dames. Ils lavent et repassent, ils raccommodent le linge et font même le service de bonnes d'enfants. On trouve aussi dans le Bengale quelques Chinois qui exercent presque tous le métier de cordonnier. Calcutta, capitale du Bengale, est située sur l'Hugli, si large et si profond en cet endroit que les plus grands vaisseaux de guerre et les grands paquebots des Indes peuvent jeter l'ancre devant la ville. La population est de près de 600 000 habitants, parmi lesquels, en exceptant toutes les troupes anglaises, ne figurent guère plus de 2 000 Européens et Américains. La ville est divisée en plusieurs parties. La ville commerçante, la ville noire et le quartier européen. La ville commerçante et la ville noire sont laides. Les rues sont étroites et tortueuses, surchargées de vilaines maisons et de misérables huttes, entre lesquelles se trouvent les magasins, les comptoirs de commerce et quelquefois des palais isolés. De petits canaux en maçonnerie traversent les rues car il faut beaucoup d'eau aux hindous pour leurs fréquentes ablutions de chaque jour. Dans la ville commerçante et dans la ville noire, les rues sont tellement encombrées de monde que quand un équipage y passe, les domestiques descendent de voiture, courent devant et crient aux masses amoncelées de faire place ou bien les dispersent de force. Mais aussi laids sont les deux quartiers dont nous venons de parler, aussi beau est le quartier européen, que l'on appelle souvent aussi la ville des palais, nom mérité en grande partie. Seulement, il faut savoir qu'ici, comme à Venise, toute maison un peu plus grande que les autres est appelée palais. La plupart de ces palais sont placés dans des jardins entourés de hautes murailles. Il est rare que plusieurs édifices se touchent. Aussi, y a-t-il peu de places imposantes et peu de belles rues. Si l'on excepte celui du gouverneur, aucun de ces palais ne peut rivaliser avec les grands palais de Rome, de Florence et de Venise pour le style d'architecture, pour l'éclat et pour la magnificence. La plupart ne se distinguent des maisons ordinaires que par un joli portail avec des colonnes et par des toits en terrasse. À l'intérieur, les pièces sont très grandes et très hautes. Les escaliers, dont la cage est très simple, sont en marbre gris ou en bois. On ne voit nulle part de belles statues ni de sculptures dans l'intérieur ou au dehors des palais. Le palais du gouverneur, comme nous l'avons déjà dit, a extérieurement l'air d'un superbe édifice qui ferait l'ornement de la plus grande ville. Il est construit en forme de fer à cheval et au milieu s'élève un dôme magnifique. Le portail, comme les ailes, repose sur un grand nombre de colonnes. L'intérieur est disposé de la manière la plus maladroite. Aussi, il faut monter un escalier pour aller de la salle de danse à la salle à manger. Dans ces deux salles, il y a sur les côtés deux rangées de colonnes. Le parquet de la salle à manger est en marbre d'Agra. Les colonnes et les murs sont revêtus d'un ciment blanc qui a l'éclat du marbre. Les appartements ne valent pas la peine d'être vus. Ils offrent tout au plus l'occasion d'admirer l'incapacité de l'architecte qui, avec tant d'espace, a produit si peu de choses. D'autres constructions curieuses sont le Town Hall, l'hôpital, le musée, le monument d'Ochterlony, la monnaie, la cathédrale anglaise, etc. Le Town Hall est une œuvre grande, haute et belle, et qui renferme quelques monuments en marbre blanc consacrés à la mémoire d'hommes distingués des temps modernes. Il s'y fait des réunions de toute espèce. On y traite des grandes affaires et les grandes entreprises, et on y donne des concerts, des bals et des banquets. L'hôpital, composé de plusieurs petites maisons entourées de prés, est ceint de murs. Les malades sont partagés de manière que les hommes habitent une maison, les femmes et les enfants une autre, et les fous une troisième. Je trouvais les salles spacieuses, aérées et très bien tenues. Cet hôpital n'est affecté qu'aux chrétiens. L'hôpital pour les indigènes est construit sur le même plan. Seulement, il est beaucoup plus petit. Les malades sont reçus gratuitement et on fournit encore des médicaments à beaucoup de malades du dehors. Le musée, quoique sa fondation ne remonte qu'à 1836, est assez riche, surtout en quadrupèdes et en squelettes. Quant aux insectes, il n'y en a qu'un petit nombre et la plupart sont en mauvais état. Dans une des salles, on y voit un superbe modèle en ivoire du célèbre Taj d'Agra. Tout autour, on remarque plusieurs sculptures et plusieurs bas-reliefs. Les figures me parurent très massives. L'architecture est infiniment supérieure. Le musée est ouvert tous les jours. J'y allais plusieurs fois et j'y vis toujours avec surprise des indigènes qui contemplaient tout avec beaucoup de soin et d'attention. Le monument d'Ochterlony est une simple colonne en maçonnerie de plus de 50 mètres de haut, placée au milieu d'une vaste prairie vide comme un point d'exclamation. Elle a été élevée en mémoire du général Ochterlony qui s'est acquis une grande réputation comme capitaine et comme homme d'État. Celui qui ne craint pas de monter 222 marches est récompensé par une vue étendue sur la ville, le fleuve et les environs. Mais malheureusement, ces derniers sont très monotones et ne se composent que d'une immense plaine bornée par l'horizon. Non loin de cette colonne est une charmante mosquée dont les tourelles et les coupoles, innombrables, sont ornées de boules de métal dorées qui brillent et étincellent comme les étoiles du firmament. La mosquée est précédée d'un joli péristyle. Pour pénétrer dans la mosquée, on est obligé de quitter sa chaussure. Je me conformai à cette loi et je ne fus pas dédommagé de ma soumission, car je ne vis rien qu'une petite salle vide dont le plafond reposait sur quelques colonnes en maçonnerie. Des lampes de verre étaient suspendues au plafond et attachées au mur, et le parquet était incrusté de marbre gris d'Agra. Ce marbre est très commun à Calcutta, car il y est transporté d'Agra par le Gange. La monnaie se présente très bien. Elle est en pur style grec, sauf qu'elle n'est pas entourée de colonnes de tous côtés. La disposition des ateliers est, dit-on, remarquable, et on prétend que l'Europe n'a rien de comparable en ce genre. Je ne puis pas porter de jugement à cet égard. Je me permettrai seulement de faire observer que tout ce que je vis me parut extrêmement ingénieux et parfaitement bien disposé. Le métal amolli par la chaleur est laminé au moyen de cylindres, puis les lames sont coupées en bandes et monnayées. Les salles où se font ces travaux sont grandes, hautes et aérées. Presque tout est mis en mouvement par la vapeur. Parmi les églises chrétiennes, la cathédrale anglaise est la plus belle. Elle est en style gothique et sa grande tour domine une demi-douzaine de tourelles. Indépendamment de cette église, il y en a encore quelques autres qui ont aussi des tours gothiques. Toutes les églises sont très simples à l'intérieur, à l'exception de la basilique arménienne, dans laquelle le dessus de l'autel est surchargé de tableaux à cadre d'or. Le fameux trou noir dans lequel le Raja Suraja Daula, lors de la prise de Calcutta en 1756, fit jeter et mourir de faim 150 des principaux prisonniers, est aujourd'hui transformé en magasin. À l'entrée est un obélisque d'environ 20 mètres de haut, sur lequel on a inscrit les noms des victimes. Le jardin botanique est situé à 5 milles de la ville. Il fut fondé en 1743 sous la direction de Lord Kidd. Mais il ressemble plutôt à un parc naturel, car il ne contient que peu de fleurs et de plantes, et au contraire, beaucoup d'arbres et de massifs épars, dans un charmant désordre sur d'immenses pelouses. Un joli monument surmonté du buste du fondateur perpétue sa mémoire. Ce qu'il y a de plus curieux dans ce jardin, ce sont deux bananiers. Ils appartiennent à l'espèce des figuiers et atteignent une hauteur de plus de 12 mètres. Les fruits sont tout petits, ronds et d'un rouge foncé. On les brûle et ils fournissent de l'huile. Quand le tronc est arrivé à peu près à une hauteur de 5 mètres, beaucoup de ses branches s'étendent de tous côtés dans une direction horizontale, et au bas de ses branches poussent des racines ou réseaux filandreux qui tombent perpendiculairement à terre et finissent par pénétrer dans le sol. Quand ces nouvelles tiges sont devenues fortes, elles poussent des rameaux comme le tronc principal, et cela continue toujours ainsi. On conçoit facilement qu'un seul tronc forme à la fin tout un bois où des milliers d'hommes trouvent de frais ombrages. Ces arbres sont sacrés pour les hindous. Ils élèvent sous leurs branches des autels au dieu Rama, et le brahmine y réunit ses disciples pour recevoir ses leçons. Le plus âgé des deux décrit déjà avec sa famille un cercle de plus de 200 mètres. Le principal tronc à plus de 16 mètres de circonférence. Au jardin botanique se rattache le collège épiscopal où l'on élève des indigènes pour en faire des missionnaires. Après, le palais du gouverneur, c'est le plus bel édifice de Calcutta. Il se compose de deux grands corps de logis et de trois ailes latérales en style gothique. Une chapelle extrêmement jolie se trouve dans un décor de logis du milieu. La bibliothèque, placée dans un salon magnifique, renferme les œuvres des meilleurs auteurs. Elle est à la disposition de la jeunesse studieuse, dont le zèle ne semble pas répondre à la généreuse intention des fondateurs. Car quand je tirais d'un des rayons un gros in-folio, je le laissais immédiatement échapper de mes mains et je m'enfuis de l'autre côté de la salle, un essaim d'abeilles s'étant précipité sur moi du fond du rayon. Les salles à manger, les appartements sont décorés avec tant d'élégance et de richesse qu'on croirait cet établissement destiné aux fils des familles anglaises les plus opulentes, habituées au confort dès leur plus tendre jeunesse et chargées de le répandre dans toutes les parties du monde et non pas aux ouvriers de la vigne du Seigneur. Je regardais ce magnifique établissement avec une affliction d'autant plus grande qu'il était fondé pour des indigènes. Ceux-ci sont obligés de désapprendre d'abord leur vie simple pour s'habituer à tant d'aise et d'abondance. Puis ils doivent s'aventurer dans les déserts et les forêts pour chercher à convertir des païens et des barbares. Parmi les curiosités de Calcutta, il faut aussi compter le jardin du grand juge, M. Laurent Peel. Il est également intéressant pour le botaniste et pour l'ami de la nature et bien plus riche en fleurs, plantes et arbustes rares que le jardin botanique. Le parc dessiné sur un plan grandiose et avec beaucoup de goût, les beaux gazons émaillés et bordés de fleurs et de plantes, les étangs clairs comme du cristal, les allées touffues avec des bosquets et des arbres gigantesques forme un véritable paradis au milieu duquel s'élève le superbe palais de l'heureux propriétaire. En face de ce parc, dans le grand village d'Ali Faubourg, se trouve une bien modeste maisonnette, séjour de la bienfaisance. Elle est habitée par un indigène qui a étudié la médecine et elle renferme une petite pharmacie. Le médecin et la pharmacie sont gratuitement à la disposition des habitants du village. Cette belle fondation est due à Lady Julie Cameron, femme du membre du Conseil législatif des Indes, Charles Henry Cameron. Fin de la première partie du chapitre 11.